Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Pour nous, c'est d'obtenir de la lumière au niveau des effets que nous recherchons, mettre de la vie dans un tableau et surtout dans une composition. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui pousse la porte des ateliers d'artisans d'art en Lorraine et en Alsace. Aujourd'hui, rencontrons la maison Spindler avec Jean-Charles Spindler, marketeur d'art. Bonjour Jean-Charles Spindler, merci de me recevoir dans votre atelier à Börsch. C'est avec plaisir, Olivia. Alors vous êtes marketeur d'art. En deux phrases, c'est quoi ? Alors la marqueterie, c'est l'art de décorer le meuble, notamment depuis le XVIIe et XVIIIe siècle. Et tout commence avec votre grand-père Charles Spindler en 1893. C'est ça. En fait, au départ, il n'est pas du tout homme du bois. Il s'intéresse à la peinture et il veut devenir artiste peintre. D'accord. Mais il va être happé par le mouvement de l'art nouveau et l'art nouveau, notamment, réhabilite des arts anciens et notamment la marqueterie. Et c'est comme ça que vers 1893, il va découvrir cet art et la réhabiliter sur du mobilier de ce style, mais aussi en réalisant des tableaux. Donc tout commence par les tableaux. Alors ça commence notamment par les tableaux, mais surtout avec une vision d'artiste. Mmh. Qui va vouloir recréer de véritables peintures de bois comme un artiste peintre, mais uniquement avec du bois de plaquage. D'accord. Et ensuite, donc, vient votre papa qui reprend l'atelier. Absolument. Alors, après la guerre de 14, effectivement, nous serons connus, la maison sera connue pour ses réalisations de marqueterie. Et mon papa reprendra le relais de l'atelier pendant une bonne quarantaine d'années. Et ensuite, vous prenez le relais en 1973. 75, voilà, pardon. C'est ça. Et je reprendrai le relais jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et alors votre patte, comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Puisque la maison Spindler, c'est à la fois des scènes pittoresques d'Alsace, mais pas que. Oui, alors c'est un petit peu la tradition, c'est ce qui avait... En fait, le succès de mon grand-père avait fait que nous étions véritablement marqués au fer par nos réalisations et que un Spindler en Alsace... C'était avant tout une marqueterie représentant le paysage, des paysages, des scènes bucoliques de la campagne alsacienne. Mmh. Et effectivement, chaque génération a amené sa patte, une patte un peu différente, parce que mon grand-père a travaillé pour la compagnie APAG, il a fait des scènes totalement différentes. Mon père a fait des scènes sur l'Angleterre, sur les États-Unis, etc. Mais nous sommes restés, pour beaucoup d'Alsaciens, des spécialistes du paysage alsacien avant tout. Alors un petit exemple, parce que là on se situe dans un très beau lieu, qui est une salle d'exposition où moi je vois plein de créations. Alors pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez nous la décrire, Jean-Charles, s'il vous plaît ? Alors, il y a à la fois ces tableaux classiques, et puis, il y a évidemment des réalisations abstraites, il y a des scènes totalement... où la matière, en fait, bois, est mise en valeur. Je réalise aujourd'hui des panneaux souvent de grandes dimensions, enfin, qui vont de quelques mètres carrés jusqu'à une dizaine ou une quinzaine de mètres carrés, sans difficulté, en fonction des demandes qui me sont faites par des architectes, par des propriétaires qui voudraient avoir un décor dans leur maison. Alors par exemple, là, si vous en prenez une de vos créations, on peut se déplacer peut-être vers la création. Oui, bien sûr. Laquelle vous... Ah, ben, il y en a plein. Il y a plein de choses. Il y a à la fois, cette... ce grand panneau circulaire qui est une spirale où on met en valeur vraiment à la fois le mouvement et à la fois les essences de bois qui nous proviennent. Nous avons plus d'une centaine d'essences qui nous viennent de partout. Alors, ce tableau, ce panneau circulaire, plutôt, combien fait-il à peu près? Il doit faire à peu près 2,30 m de diamètre, voilà, à peu près. Est-ce que vous auriez une autre création à Alors, à il, y a décrire des, il y a des pièces, évidemment. Là, ce sont des représentations d'arbres qui sont présentées de manière verticale et de manière très... très synthétique. En fait, ce sont comme des espèces de coupes intérieures où on voit la matière qui a été complètement améliorée. C'est parce qu'on ne peut pas trouver ça aussi beau dans la nature. Quand on ouvre ces troncs d'arbres, on se trouve avec des matières qui sont plus ou moins, enfin forcément, qui ont éventuellement des défauts, etc. Mais nous jouons avec ça pour faire nos tableaux. Est-ce que vous pourriez me parler d'une création en particulier qui s'appelle Vignoble, qu'on peut retrouver au restaurant Porcus à Strasbourg? Oui, ça c'est une création traditionnelle, en fait, qui m'a été demandée et qui est faite sur mesure pour ce restaurant. Une commande, donc, et qui faisait face à un autre tableau qui représentait un paysage du Korsberg. C'est la région où on fait de la bière, et notamment il y avait des plantations de houblon. D'accord. Et donc ces deux panneaux se font face dans ce restaurant, et donc ils symbolisent, pour la personne qui me l'a demandé, deux des produits phares de la région, la bière et le vin. Et alors, quelle couleur? On a une palette qui est assez limitée au niveau des tonalités. Nous n'avons pas vraiment de bleu, par exemple, dans le bois. Nous n'avons pas de réel vert. Nous avons un peu de bois vert, qui c'est souvent le tulipier que nous utilisons. Mais nous sommes plutôt dans les teintes automnales. Voilà. Donc différentes facettes de marron, un peu de blanc également. Oui. Là, on est devant la création dont vous avez parlé juste avant, à savoir les arbres. Oui. Là, c'est vrai qu'il y a quand même différentes matières, différentes essences, j'imagine. C'est quand même impressionnant de voir en fait ces différents assemblages. Oui, et les contrastes qu'on peut obtenir. Pour nous, c'est d'obtenir de la lumière au niveau des effets que nous recherchons, mettre de la vie dans un tableau et surtout dans une composition. C'est complexe car en fait la matière ne se plie pas comme on veut à nos désirs, et on est obligé de faire avec souvent et de contourner les difficultés. Tout à l'heure, Jean-Charles, vous avez parlé de créations à la fois typiquement alsaciennes, mais également de commandes. Je crois que vous exportez partout dans le monde. Racontez-nous. Oui, nous sommes dans une trentaine de pays dans le monde et c'est un petit atelier. Nous avons 4 personnes avec nous, voilà, un grand maximum en général. Ce sont des personnes qui sont... diplômés de l'école Boulle ou qui sont meilleurs ouvriers de France, vous pourrez leur parler tout à l'heure. Et alors nos créations, effectivement, ce sont soit des commandes ou alors ce sont des gens qui viennent acheter de nos tableaux. Nous réalisons beaucoup de pièces pour l'étranger depuis très longtemps. Il faut savoir que nous étions déjà présents aux États-Unis en 1904. Ah oui. Donc ça remonte à un certain temps. Et par exemple, vous parlez des États-Unis, la création Four Seasons qui est aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous la décrire pour les auditeurs? Alors oui, nous avons travaillé pour plusieurs hôtels, plusieurs décors, notamment ces hôtels Four Seasons, les mandarins, etc. Et aussi pour des hôtels comme... Grand America Hotel à Salt Lake City pour les Jeux Olympiques. Pour les Four Seasons, ce sont des pièces abstraites, oui. Voilà, que nous avons faites à la demande d'un architecte qui était ouvert sur... qui m'a laissé un emplacement pour réaliser une de ses marqueteries. Et vous pouvez retrouver bien sûr toutes les créations de la maison Spindler, en tout cas une partie sur la page Facebook de Main de Maître. Alors Jean-Charles, vous, une question un peu plus personnelle, quelle est votre création préférée ? Alors ça c'est très compliqué parce qu'en fait on est toujours en train de penser à celle qui va suivre. Nous venons de passer pratiquement un an de travail. Nous étions à 3 ou à 4 pour la réalisation de tout un décor pour un bateau de la Coupe América qui va se réaliser dans un mois ou même moins d'un mois aux Bermudes. Uh-huh. Et nous avons fait un décor intérieur pour un de ces bateaux de course. Superbe. Mmh. Vous pouvez nous le décrire, ce décor intérieur, à quoi il ressemble ? Alors ce sont des marines. Et nous avons en atelier encore une de ces réalisations que nous nous dépêchons de terminer parce qu'en fait la course va se passer sous peu et voilà. Et la dimension de ces les panneaux sont les panneaux ont des dimensions différentes. On m'a demandé de faire tout le décor intérieur, ce qui est compliqué parce que en fait je ne suis pas habitué à ces espaces assez resserrés c'est un voilier en fait. Et nous avons placé 17 panneaux et la difficulté c'est évidemment d'arriver à faire un décor qui se tienne sur des plans au départ sans avoir vu parce qu'en fait le bateau était en construction. Ah d'accord. Il fallait trouver une harmonie et entre tous ces tableaux qui se mettaient les uns à côté des autres. Justement, vous nous montrez comment est-ce qu'on fait de la marqueterie dans la maison Spindler. On peut y aller, si vous voulez. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, donc nous sommes ici. Bonjour. Avec... Bonjour. Lise et Stéphane. Enchantée. Alors, Lise nous vient de l'école Boulle et elle est en train de réaliser un tracé pour ce bateau qui est destiné à la Coupe América. Le fameux bateau. Le fameux bateau, absolument. Et à côté, donc, nous avons... Et alors, à côté, Stéphane, qui est meilleur ouvrier de France et qui est en train de fignoler un grand panneau qui est un panneau représentant une scène de chasse. Très bien. Alors, la marqueterie, concrètement, comment ça se passe ? Par quoi on commence ? Le dessin, c'est la première des choses. Et là, Lise est en train d'essayer de placer sur une de ses voiles un sigle et qui nous pose problème parce qu'on n'a pas des... On est obligé de retrouver les courbes et la perspective en rapport avec la vision qu'on a de cette voile-là. Qu'on va placer sur ce bateau. Alors, je m'approche un peu plus de Lise. Alors, Lise, quels outils vous utilisez concrètement ? Vous faites quoi, là ? Alors, pour le tracé, on utilise un crayon, un stylo à pointe fine. Puis ensuite, là, on fait avec des pistolets pour avoir des formes courbes. Alors, le pistolet, c'est quoi ? Alors, un pistolet, c'est un objet en plastique pour faire les courbes. Et quelle taille, en gros, ce pistolet ? Alors, il y en a de différentes tailles. Hein. On peut en trouver des petits comme des très grands. Ça varie entre 30 cm. Il y en a de 10 cm. C'est qu'il y a plusieurs courbes dessus. C'est surtout ça qui est intéressant. Ça ressemble à un perroquet. Oui, ça ressemble à un perroquet. Il y en a de différentes formes. Vous allez donc faire un tracé, c'est ça ? Oui. Vous nous montrez ? Alors, ben voilà. Ensuite. Et ensuite, vous faites quoi ? Le dessin réalisé, nous allons découper chaque élément de ce dessin et coller chaque élément sur un bois différent. Stéphane va vous montrer comment il fait la découpe de ces éléments avec une petite scie. Ok, je vous suis Stéphane. Donc maintenant je vais allumer. Merci. Et là, vous coupez. Là, on coupe. se cuit après. Bien de suivre le trait pour être le plus précis possible et ça nous facilitera l'assemblage ensuite. Voilà, la pièce est coupée. Donc la pièce est coupée. Là j'ai mes pièces coupées. Maintenant, ce que je fais, j'utilise ma pièce et je l'insère dans ma marqueterie qui est en cours d'assemblage. Avec une sorte de... C'est un scalpel. Un scalpel. Un scalpel, donc ça me permet de découper le plaquage et d'ajuster parfaitement les pièces les unes dans les autres. Voilà, une fois que c'est bien inséré, on le serre fort. Pour pas qu'il y ait démarcation entre les différentes pièces de bois. Pour qu'il n'y ait aucune différence entre les deux pièces. Et que ce soit tout plat. Tout plat. Je passe le doigt là. Il n'y a rien qui dépasse. C'est impressionnant. Tout est l'un dans l'autre. Et il n'y a pas de chevauchement. Ouais, il faut aussi un peu nettoyer les excès de colle, les excès de bois qui dépassent. Voilà, maintenant ma marqueterie est terminée. Et ensuite, on va la plaquer. C'est-à-dire la plaquer et la mettre... On va prendre un panneau de contreplaqué, on va mettre de la colle, mettre notre marqueterie dessus, l'enfiler dans la presse et fermer la presse. C'est sous une presse hydraulique. Ok. Je suis en train d'imbiber de colle mon panneau. On attend un petit peu que ça sèche ? Un tout petit peu. Voilà, je mets ma marqueterie dessus et attention, je mets sous presse. Attention les doigts, je ferme. Vas-y. Voilà. Et ça, c'est terminé ensuite ou il y a encore une dernière étape ? La dernière phase, c'est le ponçage. Je vais vous y amener. Je vous suis. Alors là, Stéphane, on arrive devant une énorme machine qui fait combien de mètres ? C'est une ponceuse qui fait 3 mètres. Donc là, on peut poncer des tableaux vraiment énormes. On peut aller vraiment jusqu'à plus de 3-4 mètres sans problème pour les tableaux. Donc ça nous laisse vraiment une grande marge de manœuvre. Et donc là, c'est la dernière étape ? C'est une des dernières phases. Donc là, le ponçage, c'est vraiment... Il faut avoir pas mal de dextérité et pas mal d'expérience pour pouvoir poncer un tableau. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que notre marqueterie ne fait que 6 dixièmes de millimètre d'épais et la ponceuse tourne relativement vite, donc on risque de passer à travers notre épaisseur. Donc il faut être très précautionneux. Oui, très précis. Et très attentionné. Donc mais attention, maintenant je vais l'allumer. Voilà, donc maintenant on est devant une marqueterie totalement poncée. On va un peu lui passer un petit coup de soufflette histoire d'enlever la poussière. Et maintenant ça va être la phase de cirage pour pouvoir faire briller le tableau. Et ensuite la livraison. Oui, ça c'est vraiment la dernière phase. c'est la phase la plus agréable. et vous alors Jean-Charles, qu'est-ce qui vous touche dans la marqueterie, quel moment préférez-vous ? Ah ben c'est évidemment quand on voit les choses naître et quand on se... Alors c'est compliqué parce qu'en fait c'est quand même un challenge à chaque fois. On est obligé vraiment de mettre toute son énergie pour arriver à obtenir un résultat. Et le résultat, on ne peut le voir que quand on a découpé toutes nos petites pièces de bois et qu'on a assemblé en fait notre puzzle, car c'est une mosaïque en gros. Et tant qu'on n'a pas cette mosaïque devant les yeux, on ne peut même pas se dire si c'est bien ou pas. On ne se rend pas compte. On ne se rend absolument pas compte. Et la grande difficulté, elle n'est pas tellement de, pour nous qui avons l'expérience pour les assemblages serrés, c'est pas tellement ça le problème, mais c'est beaucoup plus d'équilibrer tous ces bois les uns avec les autres, équilibrer notre dessin. C'est la composition que la composition en elle-même. Et voilà. C'est ça la difficulté. Ça, c'est une des principales difficultés. Alors, le plaisir qu'on en retire, il est évident qu'il y a un moment où on a un certain plaisir, mais on passe tout de suite à autre chose parce qu'en fait, un autre travail nous attend. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Mais vous n'avez depuis de nombreuses années que vous travaillez ici, 1975. Vous n'avez pas de lassitude, vous êtes encore passionné. Oui, la passion reste. J'ai 69 ans, donc on se retrouve quand même avec les années qui passent. Et c'est vrai que, comment dire, si je n'étais pas passionné, je me serais arrêté. Mm-hmm. En 2006, Jean-Charles, votre atelier, donc la Maison Spindler, reçoit le label Entreprise du patrimoine vivant, qui vraiment consacre, je dirais, l'expertise et le savoir-faire de la maison. Oui, c'est des savoir-faire rares, mm-hmm. effectivement, et ça a été depuis 15 ans maintenant à peu près, nous avons ce label. Oui, enfin peut-être un peu moins, oui, ça fait 2006-2017, ça fait un peu moins. Et qu'est-ce que ce label vous a apporté? Vous avez déjà une reconnaissance internationale, un savoir-faire acquis? Qu'est-ce que ce label vous a apporté à vous? Oui, alors curieusement, en fait, c'est un label qui est connu et pas connu encore par le grand public. Donc, c'est compliqué de savoir, si vous voulez, ce que le public peut en retirer. Pour nous, c'est des contacts avec d'autres entreprises comme la nôtre, mais qui souvent sont dans des domaines totalement différents. Or, ça peut être des entreprises, nous avons comme ça été en Chine, en Corée, avec des entreprises du patrimoine vivant, qui étaient dans des domaines, ça pouvait être de la décoration, mais mm-hmm. pas du tout de la marqueterie, ça pouvait être la porcelaine, voilà. La porcelaine. Oui, nous avions comme ça des entreprises de Limoges, et qui sont des entreprises connues sur le marché et qui étaient EPV comme nous. D'accord. Voilà. Et qui, donc, du coup, était sensible à ce label-là et oui, pour et collaborer si, avec vous. Si vous voulez, c'est des échanges d'idées, de collaboration éventuelle. Ça pourrait l'être, absolument, dans certains cas. Et justement, est-ce que vous avez des collaborations avec d'autres artisans d'art, d'autres domaines? Ça s'est fait du temps de mon grand-père. Je l'ai fait peut-être, oui, sur des demandes. Ça, c'est évident pour des incorporations sur du meuble, par exemple, mm-hmm. qui n'était pas forcément de ma facture. Oui. Voilà. Vous voyez, la marqueterie, on peut très bien l'adapter et la faire vivre avec d'autres produits. Même oui. si ce n'est pas votre activité principale. Absolument, absolument. Alors Jean-Charles, selon vous, quelles qualités faut-il pour être marketeur? Alors évidemment, il faut distinguer le marketeur qui est avant tout artisan marketeur, qui a une formation pour réaliser ses marqueteries, et puis après il y a le créateur. Aujourd'hui, il faudrait que, évidemment, on devrait être les deux à la fois. Mais ce qui a fait un peu notre force, c'était évidemment d'avoir une formation de créateur à côté de celle d'exécutant. Et alors, ça demande évidemment des qualités diverses, parce qu'en fait, vous vous retrouvez à la fois, dans mon cas, à la fois chef d'entreprise, mais aussi, il me faut... pour réaliser ces grandes pièces, évidemment toute une connaissance technique pour y arriver, mmh. et puis doubler d'un savoir-faire sur le plan artistique pour arriver à mettre en valeur tous ces bois. Donc j'imagine, si je résume, il faut à la fois être doté d'une technique assez impressionnante, importante, et puis être ouvert d'esprit, créatif, hein, savoir absolument. Aussi regarder le monde qui nous entoure. Absolument, parce que le monde change d'abord, et parce qu'en fait, entre un client chinois, un mexicain ou un turc, par exemple, les mondes sont souvent différents, l'état d'esprit est différent, la vision du monde est différente, et il faut pouvoir répondre, évidemment, à ces demandes. Alors justement, là, vous venez de citer des commandes internationales. Par exemple, la commande turque, c'était quoi concrètement ? Nous avons fait, à la demande d'un client particulier, un décor de plus de 13 mètres carrés. 13 mètres. Il n'y a pas longtemps, nous n'étions pas non plus très loin de la place Taksim, mais il y avait en même temps des manifestations. Nous étions au 20e étage d'un immeuble, pour un appartement de 600 mètres carrés. D'accord. Voilà. Et le décor en lui-même, c'était quoi ? Le décor était un décor floral. Mm-hmm. Tout ça intégré au ras du mur, dans un espace évidemment assez vaste. Je dois avoir des photos qui peuvent en témoigner. On mettra aussi quelques photos du coup sur la page Facebook de Main de Maître pour que les éditeurs puissent se rendre compte. Jean-Charles, votre actualité là actuellement, c'est quoi ? Actuellement, ben, on est en train de terminer notre dernier panneau, dernière marqueterie pour ce bateau qui va aller aux États-Unis, qui est en train de traverser l'Atlantique. Depuis, nous sommes allés placer il y a une dizaine de jours nos panneaux sur ce bateau à Palma de Majorque. Mmh. On va sans doute nous demander d'aller aux Bermudes pour placer avant la course le dernier panneau. Voilà. Pour terminer, Jean-Charles, où pourra-t-on vous retrouver prochainement ? Ben, ici même, d'abord. À l'atelier. Parce qu'en fait, voilà, je n'ai pas d'exposition en vue toute pour le moment. Un peu débordé par des commandes qui ont pris beaucoup de retard. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a un musée ici que le grand public peut visiter. Alors, on peut le visiter, mais à partir du moment où on est une vingtaine de personnes. Voilà, en groupe ? En groupe. Et sur rendez-vous, j'imagine. Sur rendez-vous, voilà. De toute manière, il vaudrait mieux nous appeler auparavant. Voilà. Le mot de la fin, Jean-Charles. Ah, le mot de la fin. Ah oui, bah, qui est surtout que ça fasse des émules pour d'autres, chez d'autres marketeurs. Car en fait, la marqueterie est un peu, le parent pauvre aujourd'hui. On a dans le décor du mobilier, elle n'est plus tellement utilisée. Et elle est quelque part, évidemment, présentée en tant que panneau, en tant que tableau. Et on oublie évidemment le décor, la tradition. En fait, quoi a été fait ce type de tisanat ? Et alors, une petite question un peu plus indiscrète, est-ce que vous avez un successeur ou... Bonne question, non, je n'ai pas de successeur, la question est ouverte. Donc à bon entendeur, hein, si voilà. Vous souhaitez voilà, perpétuer la tradition des anges Spindler, vous savez où frapper. Ouais. Merci beaucoup Jean-Charles de m'avoir reçu dans votre atelier à Börsch en Alsace. Merci à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Retrouvez les créations de l'atelier Spindler sur la page Facebook de Main de Maître, ainsi qu'un lien pour devenir marketeur sur la page de Main de Maître sur le site de la radio Fadjet. Je vous retrouve le vendredi 30 juin à 18h sur Fadjet. À bientôt!